viennent à nous manquer, les malheurs de notre enfance. De sable prisonnier des orteils, le frottement des sandales sur les coups de soleil, et les ronds s'accrocher aux dérailleurs des vélos, le sel recristallisé dans les coutures des maillots. Geste obligatoire, au son des cris des plus grands, tombés des balançoires. Tu voulais jouer au docteur, je préférais la bicyclette. Maintenant je sais mon erreur, crois bien que je la regrette. Tu voulais montrer tes seins derrière le vieux paravent. nos premiers ennuis. Alors pourquoi ne pas rire de nos tourments présents et les changer en souvenirs qu'emportent les cerfs volants.